Du dead metal et du new. Ah ouais, d'accord. Bon, bah elle va pas du tout aimer alors. Je suis trompé de femme, je pense. Ça va être la femme d'un autre musicien. C'est ça là. Pas terrible le son. Mais du fond de la nuit. J'ai des potes qui ont joué avec le mec qui fait ça là. En première partie de lui, ils ont joué il y a pas longtemps. Bon, je sais pas s'il remplit des salles, mais bon. C'est facile à jouer à la basse. C'est vrai parce qu'il faut que je joue de la basse un peu, les gars. J'arrête de torturer le cul, ouais. Oh, c'est dur. Il est mort lui, je crois. J'ai pas le temps d'essayer de les trouver. Pas de ce morceau parce que ça c'est un standard, ça aussi hein. Ça aussi c'est des disques qui ont été vendus. Moi j'ai dansé sur Donna, enfin non c'est pas Donna Summer ça. Si non c'est qui ça, c'est pas Donna Summer. Et après elle jouissait dans le... suis pas un Céline Dion, j'espère. Oh, c'est nul ça. Zap, zap, zap, c'est nul. La croisière s'amuse. Merde, je l'ai dit. Il me reste une demi-heure. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. La croisière s'amuse. Oh, écoute. C'est jour d'orson. We'll be right back. Je vais voir si ça marche. Attends, je fais un test avec. T'énerve pas, hein. Je fais un test, attends. En fait, le mur. On peut pas écrire sur le mur. Non, avec Jam Taba, justement, si ça marche, regarde. Avec Jam Taba, je peux effacer le mur, alors qu'avec Creeper, non. Regarde. Hop, j'efface le mur, là. Voilà, ça marche avec Jam Taba. Ce qui est bizarre, d'ailleurs. Sur Creeper, je peux pas... sur Ninjam, je peux pas effacer le mur, là, oui. Non, regarde, ça marche, hein. Jam Taba, ça marche bien, là. Lost, on peut le brider un peu parce que quand il joue trop fort, on peut. Hop! Oh, il y a un truc connecté là, ça marche! Attends là, pour ajouter une piste. Pour ajouter une piste sur Jam Taba. Alors, un, deux, trois. Sympa, il y a une caméra, on peut même se voir à tout. Même si on a une seule gueule, on peut se voir. Comment on a vu Tinker. Jam Taba. Moi ça marche bien. Ouais, téléphone. C'est un petit téléphone. Et puis j'ai repris la basse aujourd'hui. Effacer les canaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh putain, ouais, ça y envoie la patate là. Non, ça marche, hein. Enfin, moi, ça marche. Moi, je vous entends, il y a le métronome, il y a tout. 16 BPI, 127 BPM, c'est bien ça? Moi, il n'y a pas de craquement chez moi. Enfin, si, ça, c'est mon micro qui fait un peu de buzz. Il n'y a pas de craquement. Fais voir, je vais écouter sur un téléphone, attends. Je vais écouter sur le lounge. Une botte. Ouais, mais faut jouer, les mecs. Et si vous jouez pas, on va pas voir si ça marche. Moi, ça marche même mieux que... Ah, mais c'est Windows Inbot. Zéro, Titi, Phil, Bilos. Non, je croque pas. Attends, je vais écouter. Mais là, il y a personne qui joue, là. Là, par contre, il y en a un qui fait de l'arsène, tu vois. Il marche pas ton truc, tu vois pas ma tronche. Mais non, je vois pas ta tronche parce que t'as... J'ai pas mis la caméra, là. J'ai pas mis la caméra, mais vous êtes pas sur Zamtaba. Ouais. Le problème c'est que je peux pas écouter ça craque parce qu'il y a personne qui joue. Faut voir. Je joue alors. Ah ça y est, je m'entends. Et ça craque pas les mecs, ça marche bien. Je suis sur l'onge là. Ça craque pas, vous dites. Et allez écouter le lounge, moi ça marche super bien. Sur le lounge. Bon, Titi, toi tu clips. Non, non, moi ça marche. Bah, sur le lounge, ça marche. Oh, je vais aller voir Jouz, mon copain de Jouz. Faut que tu charges la VS. Ouais, moi non plus, ça craque pas, Géo. Mais ils racontent n'importe quoi, ils sont tous bourrés, ils ont picolé, là. Je vais voir Jouz. Je vais faire une bise à Jojo. Jojo, celui qui me déteste. Comment on sort de Jam Tabac? C'est qui la voix qui craque? Attends, je te réponds sur le launch. Jojo, celui qui me déteste. Ah putain, il y a du comment retard avec le lounge. Comment on sort de Jam Tabac? Comment on sort? C'est qui la voix qui craque? Attends, je te réponds sur le lounge. Là, pour sortir. Jojo, celui qui me déteste. ça enregistre là de toute façon. John Lange. Un gros coup de masse sur le PC devrait s'éteindre. Ah, la percussion. Il paraît qu'il y a un looper en plus, c'est comment, il est où le looper là? Tu l'as toi Géo? Il est où le looper? Préférence? Ah ouais, looper. Titi, comme tu niques. Ça baisse direct. Franchement, Jam Tabas, ça bug moins. Ben, je sais pas moi. Ou alors ça vient. Ça marche bien son mien. Et attends. Bon, je vais essayer de mettre la caméra, Géo. T'as la. Est-ce que tu me vois, Géo? Un abruti avec des lunettes. Non, je n'ai pas la caméra. Oui, je te vois. Oui, je te vois bien. Bonne soirée, en tout cas moi ça marche bien chez moi.